Bon, lu jëm ci tay tay am na tay bu nga xamante ni DOMS DOMS la tudd, boobu 50 pièces la, benn bu nekk 40 francs la dikkee, la ma dikkee. Tay DOMS 50 pièces 40 francs la ma dikkee. Amma beneen bi nga xam mooy tay made in Chine mu nekk ci boîte bu ndaw nii, deux boîtes yu ndaw, boobu noonu 20 francs la ma dikkee. Boobu noonu 20 francs la ma dikkee. Boobu 72 moo nekk, 72 pièces. 72 pièces, dikkee ma 20 francs. Yooyu mooy ñaari façon tay, 50 pièces ak 70 pièces. DOMS bi 40 francs CFA, mais beneen bi 20 francs CFA.